nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB. Comme d'habitude, on commence par Guerriou Arvué, l'émission 431, Père en une âne à Trégonde. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un adjectif qualificatif qu'on entend assez souvent maintenant. C'est pas un mot récent, mais c'est un mot qui prend de l'importance dans le breton actuel. C'est fétis. Fétis, donc, qui veut dire concret. En fait, au départ, c'est d'un autre sens, c'est compacté, tassé, et ça a pris un sens figuré qui est plutôt quelque chose de concret. Alors, le contraire, c'est bien sûr, c'est diphétis, qui est abstrait. Alors, il y a des dérivés de fétis, hein. Alors, c'est venu d'un vieux mot français qui était fétis, qui venait du verbe faire et qui avait le sens de compacter, de tasser. Et c'est un mot qui a disparu dans le français, mais qui est resté en breton. Fétis. Et donc, il y a un certain nombre de dérivés. Fétis, peut-être par exemple, la compacité. Hein, donc, tout ce qui est tassé. Hein. Fétister, qui est un compacteur, quelque chose qui servira à tasser. Pluriel fétisérien. Et puis, il a pris aujourd'hui le sens de quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose qui est palpable, oui, hein, unique. Et alors que dit fétis, justement, c'est quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire que on passe d'une multitude d'objets, par exemple, à un concept. Par exemple, si on a justement, on est sur une table ici. Hein, c'est la table chez Anne, Anne Dole. Eh bien, on peut passer au concept de table qui désigne toutes les tables. Quand on va dire se mettre à table, ça désigne en fait toutes les tables possibles. Et le principe de l'abstraction, qui est la caractéristique essentielle de la pensée humaine, justement, c'est de faire des concepts. Ce qui permet de ne pas entrer en permanence dans les détails. Et alors, probablement que l'animal a une pensée uniquement concrète. Enfin, on le suppose, puisqu'on ne peut pas se mettre à la place de l'animal. Mais il perçoit les objets un par un. Tandis que l'homme, justement, depuis très longtemps, hein, probablement depuis la préhistoire, a ce système de pensée abstraite. Et abstraire, mon prof de philo disait abstraire, c'est généraliser. Et en fait, c'est ça. Hein. C'est donc diphétis, donc le couple fétis-diphétis, concret et abstrait. Et donc, c'est alors, il y a un verbe qui est fétisat, qui est concrétisé, qui est aussi compacté. Ça dépend du contexte. Et puis, un verbe diphétisat, qui est abstraire, généraliser, quoi. Et puis de l'abstraction, on peut passer au virtuel, mais ça, c'est une autre affaire. On en parlera sans doute bientôt. Voilà, fétis dit fétis. D'accord. Voilà. Très bien. Là-dessus. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek dans ma tombe. Thank you. Et on passe à Brezhoneg Tam Matam. C'est la seconde partie de cette émission Hentar Brezhoneg. C'est toujours un dialogue. Un dialogue qui nous amène à Zantolog. Zantolog qui est une commune qui a de la chance. Parce que là, on va parler pêche. Et qu'à Zantolog, il y a le Blavet qui passe. Ah oui, qui a le Blavet entre Zantolog et Plouderien. Donc là, on va aller voir Job Gilcher, qui est le meunier de Kermakal. Et qui est aussi un fin pêcheur. Salut Job, Madjeu. Ya, Chanig Nahui. Matré, matré. Mais l'arrêt dit, Job, rue est pas d'Avilin. Ah, ya, Pemse Glasso, moi, Hadlan, c'est de Milin Kermakal, Vidober, Bleu de Gunis du. Mais, goût de Randori, Pesqueta. Ah, ya, Guiré. Ah, prestique vos digor, à Besqueteres. Ya, ben terzun, vos digor, ya. À Prestor. Ah, ya, Prester, Binzio. Mon heure est de voir à Blaves, la Besqueta. Ah, Zuroir, vel costume, Pewarwaz, Nero, Rouz, Matrezen, Gualet, vos. Chance va d'or, ne hang job, donne rien de vélo d'un rang nord, voir l'air à dire au goradur. Ya, ben, tiens rien, t'en as un chanik. Tiens-nous. Eh ben, on va le reprendre, ce dialogue. On prend tout ça. Un petit peu plus lentement, pour mieux comprendre. Voilà. Chanik donc demande à Job, salut Job, mad je. Oui, comme d'habitude, hein. Voilà, il y a chanik, narui, formule de politesse. Et vous, hein. Matré, matré, mais l'arrêtine Job, oui et pas d'arviline. Voilà. L'arrêtine Job, hein, dites-moi, Job, vous êtes littéralement le gars du moulin, hein. On pourrait dire un millénaire aussi, mais pas d'Arviline, hein. C'est pas mal. C'est mieux même. Ya, Pemzeg Vlasso, me zad lancet Milin Kermakal, Vidober Bleu de Guinis du, répond Job. Voilà. Pemzeg Vlasso, il y a, depuis 15 ans, hein, il y a 15 ans, me zad lancet Milin Kermakal, j'ai relancé le moulin de Kermakal, et Vidober Bleu de Guinis du, pour faire de la farine de blé noir. Mais Gouderan, oh, il est pescateur. Mais je sais que vous êtes aussi pêcheur. Oh, ya, Guiré. Ah, ya, Guiré, c'est vrai. Après Stig Vodigor à Besqueteres. Voilà. Après Stig Vodigor, et bientôt sera ouvert Besqueteres la pêche. Donc ce sera l'ouverture de la pêche. Le 13 mars, je crois. Oui, le 13 mars, oui. Ya, ben terzun Vodigoret. Ya, ben terzun Vodigoret. Dans 3 semaines, ce sera ouvert. À Prestor, demande Chanik. Voilà, et vous êtes prêts? Ah, ya, Prester Arbinview. Voilà, oui, les outils sont prêts. Hein. Arbinview, donc la gaule, les puisettes, enfin tout, les hameçons, le fil, les plombs, Bertrouz Odeveld. Hein. Ouais. Les flotteurs. Les flotteurs, tout ça. Monderidoir Arblaves, la Besqueta, demande Chanik. Oui, Monderidoir Arblaves, vous irez sur le Blavet de Besqueta pour pêcher. Zuroir, vel costume. Voilà. Pévar, Guazin, Nerroru, quel êtes-vous? Voilà. Oui, Zuroir, sans doute, comme d'habitude. Bien sûr, là, il va rester très évasif. Les pêcheurs donnent jamais leur coin. Pévaroaz, Nerrorouz, ou bien sur la rivière des Nerrorouz, qui est un affluent, là, qui passe à Pont-de-Gosvin, en bas de Pemrit, là, et qui est la plus belle rivière de Bretagne, hein, d'après Erwan de Brenberg, hein, qui irait. Chance va d'orne, un job. Donne rin da vélo da ranor, war l'air en digora dur. Voilà. Alors, bonne chance, job. Donne rin de vel ranor. Je viendrai vous voir, war l'air en digora dur, après l'ouverture, pour voir, faire le bilan. Qu'il n'y a rien de temps, Chanik. Voilà. Qu'il n'y a rien de temps, Chanik. À la prochaine, Chanik. Bon. Et c'en est terminé de ce dialogue. On passe à Petra Zonevervro, maintenant. Voilà. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zonever Vroeri. Quand je trouve, et vais juste boire végé aux hommes, gros comme de dien temps, vais le costume, quand de l'or bourdou à Raguerui ou à Armez. Puis vais comme de ze l'or bourdou à Rebreis, en moi, vais comme ze d'Alice de ze Lèze à de ze Nomon. Puis du revirion des Breis, ze Orvro, à Gezomatré, Vidober Lèze, à Gandelèze et Grédomon. À Gwegel, vigé Gré de Nomon, Badière, Gande Roivre, de vigé Ribotet. Hein, que vraiment, Végret, c'est, bah, Stadio Bras, c'est le juste. En moins, Braise, ne vais que Gret, Fourmache, puis ne Bedouard, c'est, hein, que Gougel, le Vigier, que Gret, mais en moins de Vigier, Gret, à grand monde, de Vigier, Wandol, à Roisvé, en moins de Wandol, Braise, Alice, hein, que, en moins de Zal, le juste, plus dur, le Vigier, que Deb, dans monde douce, voire Armès. Quand je drogue au Bélard, à voir Normand, hein, il veut juste dire, voir Normand, à hier, à d'un dut, là, à vigé, voir que moi, de Normand, vie de cholestérol, à que, quand je drogue, à c'est-tu un dune, de ce don de lacet, de zibineup, toi, Normand, à mûr, margarine, à trop dru, bepsort, trop dru, à que, au Bélard, à doiser, ou alors, vie de hier, à vraiment, vais voir, ni que, voir que cuire. Moi, que guir tombe d'un trouse. Ag, sais-tu, et hadlance d'un dut de zibi mûr en monde. Ag, guir se fait mûr en monde, mar et man. Ag, zizon drava, devel juste, hein, vide labourer yon douar, ag, vide rovro. Pévé comme zed de zun andro, on tombe, Juan meus de gomstar, on tombe de ze blei. Gwegel ou a blei zi, bah, braise, hein. Ag, sais-tu, père exo. Zo kalz de gontadin ou war blei, hag war kalz o hanno yo ler zo vel toul blei, krer blei a beb sort. Hag ba dou han lasso wa be lar de pe kan a hantor kan lasso tientor, wa be lar de re diouz an ba breiz, hag ba bro vranz ne wa ket blei zi. Me ba bro itali zo chom me blei zi, ba mene ou. Hag Hervé Meusclève doa belak et panelou, vid l'art de Blaisis oa ban Itali, no an ket roet zon ba brovrans. Me peso, e Blaisis no an ket len, a setu n'en tremene de narzou a deut de brovrans. A brom me vekad le Blaisis on tombe pe bler a brovrans, ba meneo vele vus, ba Nalpou, ba Pyrénées, ou mames ba Vosges, Vekav de Blaisi. Hag trihan Blai zo o halup a dis brohal. Hag bon kudeen ou zo dern zo. Evit miro de Blaisi, dern zo enup. Bon, kaz heureux zo ganze. Wele vo. Me n'eus ke Blaisi c'hoaz ba breiz. N'eus ke dai c'hoaz met. Ah, vich peneket ma trezen. Ma tenioa o his. Bon, tam on tam nahan war dachen ur politikeres. N'eus ke tachen ur Blaisi hag eus koude. Politikorien, Alice ve Blaisi, sort Blaisi. Kazedrouz zo bet bet disklerriet karten neve er Vrans, karten neid deus viz even. Hag, bon, minon ke bet zoet, pudur moa laret, rog pe sa mod vije bet kont, pudur evel just e ed ur maout vechoaz gant Jacobinet. Arrête réellement des comprenons droit bénéfine politicour il y en a une dernière vue en des politicour il y en zo ba Provence de une tu gwen pelan beta gun tu ru pelan riso kai tout jacobinet a c'est tu warzi magne du et vel juste et vide houlan que vfb d'or braise ré grain a gazis aux causes n'en que Juan de Lac de Bronan, n'en stag de Sbreiz. Bon, zuroir vocales heureuses, ganzi, puis dur, bon, un DL zo bet roas manifestat ek ba naun, a zo bet digni le dut, of manifest evit had un vant e vro, met zuroir vo ster, puis dur vel mezlar adan Jacobin zo krentre ba brovrans. Vi comme on tombe de zo on drael bon men voilà que tu l'ai revro wel me zoar gazette un DL ou est non non une garlande guarnique warland et moi comme je tarpe blaro moi comme je tarde Guarni cause en hisni wabe de Sturm levi de Halfe Vreton de la cad Hanoi ou bien Brezon de Dovigol. Hag Guarni cause Zomar Warland et de la Rata. Hag Blanc m'en est en angle de Garland Guarnik. Hein, on soit Eisla Trugen, hein, un oua tranit. À 11 ou à Zobet, Olivour se brûle de Ormar et Zobet. À Bénéfine, Muske Gwell, Pen Adscrive, Bédouarzé, Gazette, en Bet, Pen Muscove de Zoué, Zuzuntan. Végénam, Zor, puis vite comme The Strawell, Gontandard de The Hamelia. À Gmazonde, Nazoran, Parloir Hamelia, et Fanchemoual, puis on vélard 200 pots de Hamelia. Hag Alice peut se béclève de Zoroir, Franchemoual, ou Arvagen ou RKB. Bah, n'a pas d'un tu de Zorvro. Hag Franchemoual, le scrou et de neub de mad Camélia ou, Wenou Camélia. Hag un évesseau de scrou et d'onan à Zohan et Jean-Paul II. Jean-Paul II. Puis Jean-Paul II. Mais il n'y a pas de Jean-Paul II. Qu'un an, Hound Camélia, glé bout de, Mire événement, pas très ba Yezoel, ma personne. Hag Hamelia, ze zobe, au nom de ze Wenz, au Hamelia de ze Wenz, ze obe casse de Rome, ze plante vraiment ba liors à Vatican. Quand c'est ma trême les très Rome, à l'île de Montefeld, à Hamelia, Jean-Paul Dau, de ze Pargebruck. Bon, d'un goût rémen ou de Fanchebois, ma manchilo, hein. Calzedut, bah, Wengam, vitchon montant trop de Wengam, war aplarment, chapel zantes, grois zantel, chapel de Sainte-Croix, in Galaga. Chapel ze, wa de escope tisambriek, hag dile ze doabé de nebet blayozo, après le débit vraiment grand kevridig zanjoge, œuvre de Saint-Joseph, Galak, hag président de kevridig ze, et Philippe Aljean, zo rand de mat vid bout krou de zangen zen ba karnoet. Hag raktre sous zo e vid ober de ze chapel ze o l'air de zigemer an dud o fond wa hin zan jakes. Komz eo meus betar deja, vid don tost ar an tam de zom, de spoulneuil al gwarek. Hag de vesso zo bet zin de o nemglev, gant stal prestalis, zo ba Casteljiron ba Talroazon, evit Oberwardro Poulneuil. Erstalz ar Wardro deja daouzeug Poulneuil. Hag prestig vo digoret, vo halon dun Monteneuil, hag eiz den vo o labourad ba Poulneuil gwarek. A zezo n'ravad evel just. Evit ar vro. Eruom ba kreiz un nan, bon, men a kalz gwell yo zo a kalz pardon yo, hein. Bon, non ke vi konto de setoud, prestig yo vo gwell en danoud, hein, vid ur vro plin, hein, gwell ur vro plin, hag waler vo gwell ur vro fissel, hein, hag gwell zan loup ba gwen gom, bon, a kalz gwell yo wel hendel, hag plijad yo zo de gal e vid dol. Deux heures mort, ne content que Gualalise, peut dire, on pèle deux heures mort, non que Gualbel bénéfine, mais, bénéfine, avec, mais que trop de gomskals deux heures mort. Azimemestrom, ou à Juan de l'art dans Dramnec, voir un vague, bugal et braise, peut dire, des glaçaux, de Bemzege de Visgenver, ouais, de vons heures mort, vagues, bugal et braise, heures vagues, pesqueteres. À de Huls, des glaçaux, ou un labour à Bavro, et non, pas Kerné Isel, à que, calze du de Gonte de Zé, un dé ou à l'air, ouais, de, vague d'Orvons, à tout d'une dut, l'art et ouais, de, gand, lisse pluche, hein, sous-marin, ma peu soin. À que, bonne, à que, Zoroir et Drézé, ouais, d'Orvons. Mais des glaçaux à l'air, justice ne se divise, là, qu'à de Naffer, Gosté, à ma treize, elle ne vaut que guar, gojebet, petro, ou avoir vese, de houls. À gazé, vegwell, n'a pegen dister et galou d'un dut, direct, galou de stadou. Comme ce mois d'art ne se voit le belzo de ce raktrez et vid ober ce que dénou de ce roarez et gwadek bakarez. Hag gredeign, hag aien bakarez, hag rinso pez telven ou bras, pez ur pepin e ur a 16 mir, zir a 340 kilo, hag zur n'en ke preston gant un avel. Bon. Nevezo zo bet gred o lever zo bet skrivet gant l'on den deus bro Belgique hag I haon e Jean-Pierre Vandes di war ben ur binioioù zo war ur bet benefin ur wed bez hag lever zo handvet cornemuse an infini sonor a ze zo in bandet gant kog breiz. A deus meus klevet e lever brasant zo begret beta vraiment war e bin vioz. Hendel peont komz deus lenegez, or priz vid de lenegez ten kinda e zo berro de nevezo de Yann Gerven, e zo skrivani an babulan hag zo an ave mat, an eus bet priz vid I lever traoù neve. Hag zo im bandet gant skol vreiz. Ya, gant skol vreiz, ya, neke gant kom vreiz. Me gant skol vreiz. Vi komz un tamm oaz de zon erez, kant a hantor kant lasso, e oa bet gant ba gwen gant Guy Repartz. Guy Repartz oa mab de Sigismond Repartz et Elise Repartz. Hag neus bon zo zon ozour a zo an avet mat, a neus gret kalz, ne skrivet kalz eus an erez, a wenet gant breiz. A benefin, bon, edwa de goz, edwa oa I leve de lan loup, hag mar oa enan, ba bla, mil no han, pem ba hanter kan. Setu, bon, Guy Repartz, kalz ober ou neus Guy Repartz, eve c'hoariet bremañ. Kant lasso, ba perzek, oa bet imbandet gant taldir jafrenou, or geria dur a brezonneg, hag zo barz pem war nu gant mil dier. Hag kavet ve ba geria dur ze kalz draou, kalz geriou deus kreiz breiz, amman. Pur taldir oa taldir jafrenou, a pod neus gret brogroz bezadou, oa deus karn oet. Hag seizla oa l'er oa bet imbande de geria dur vale. Hag de se ma trezen vo ratkomz eut peut dur mezan le vo imbande de prestig geria dur vale. Bon, gremme mon tamm tro, met chom refet rau de l'arad, met gremme mon tamm tro oa pesone ve bavro.